Ça fait mon sémistère, Vas-y, n'a ces deux blancs. Wash dans nos bras qu'on est douleur, wash dans le soleil. Ça fait mon ce mystère. Vas-y, n'a ces deux blancs. Wash dans nos bras qu'on est douleur, wash dans le soleil. Ouais, pas pour nous, car on parle.